Section 60 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e. Section 60. 30 ans de Paris par Alphonse Daudet. Le tambour in aere. J'étais encore chez moi, un matin, encore couché, on frappe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un homme avec une grande caisse. » Je croise à quelques colis arrivés du chemin de fer. Mais, au lieu du facteur attendu, m'apparaît, dans le jour jaune de novembre, un petit homme avec le chapeau rond et la veste courte des bergers provençaux. Des yeux très noirs, inquiets et doux, la tête à la fois naïve et obstinée, et, perdu à moitié sous d'épaisses moustaches, un accent parfumé d'ail, invraisemblablement méridional. L'homme me dit « Je suis Moisson » et me tend une lettre sur l'enveloppe de laquelle je reconnais tout de suite la belle petite écriture régulière et calme du poète Frédéric Mistral. Sa lettre était courte. « Je t'envoie l'ami Moisson, il est tambourinaire et vient se montrer à Paris. Pilote-le !» Piloter un tambour in aere, ces méridionaux ne doutent de rien. La lettre lue, je me retournai vers Moisson. Ainsi, vous êtes tambour in aere ? Oui, monsieur Daudet, le plus fort de tous, vous allez voir. Et Moisson alla chercher ses instruments que, par discrétion, il avait laissés avant d'entrer sur le palier derrière la porte. Une petite boîte carrée et plate, avec un grand cylindre voilé de serge verte, en tout pareil pour les dimensions et la forme, aux monumentaux tourniquets que les marchands de plaisir trimballent à travers les rues. La petite boîte plate contenait le galoubet, la naïve flûte rustique qui fait « tu-tu », tandis que le tambourin fait « pan-pan ». Le cylindre voilé était le tambourin lui-même. Quel tambourin, mes amis ! Les larmes m'en vinrent aux yeux lorsque je le vis déballé. Un authentique tambourin du siècle de Louis XIV, attendrissant et comique à la fois dans son énormité, grondant comme un vieillard pour peu qu'un bout de doigt l'effleure, enfin noyé, agrémenté de légères sculptures, poli, aminci, léger, sonore et comme assoupli sous les doigts du temps. Sérieux comme un pape, Moisson accroche son tambourin au bras gauche, prend le galoubet entre trois doigts de sa main gauche. Vous avez vu la pose et l'instrument dessinés dans quelques gravures du XVIIIe siècle ou sur un fond d'assiette de vieux moussier. Et, maniant de la main droite la petite baguette à bout d'ivoire, il agace le gros tambour qui, de son timbre frissonnant, de son bourdonnement continu de cigale, marque le rythme et fait la basse sous le gazouillement aigu et vif du galoubet. Tu, tu, pam, pam. Paris était loin, l'hiver aussi. Tu, tu, pam, pam. Tu, tu. Un clair soleil, de chauds parfums remplissait ma chambre. Je me sentais transporté en Provence, là-bas, au bord de la mer bleue, à l'ombre des peupliers d'Hirône. Des aubades, des sérénades retentissaient sous les fenêtres, on chantait Noël, on dansait les olivettes, et je voyais la farandole se dérouler sous les platanes feuillus des places villageoises, dans la poudre blanche des grandes routes, sur la lavande des collines brûlées, disparaissant pour reparaître de plus en plus emportée et folle, tandis que le tambourinaire suit lentement d'un pas égal, bien sûr que la danse ne laissera pas la musique en route, solennelle et grave, et boitant un peu, avec un mouvement du genou qui repousse à chaque pas l'instrument devant lui. Tant de choses dans un air de tambourin. Oui, et bien d'autres encore, que vous n'auriez peut-être pas vues, mais que moi, certes, je voyais. L'imagination provençale est ainsi faite. Elle est d'amadou, s'enflamme vite, même à 7 heures du matin, et Mistral avait eu raison de compter sur mon enthousiasme. Moisson, lui aussi, s'exaltait. Il me racontait ses luttes, ses efforts, et comme quoi il avait arrêté à moitié pente, galoubé et tambourin roulant vers l'abîme. Des barbares, paraît-il, voulaient perfectionner le galoubé, lui ajouter 2 trous. Un galoubé à 5 trous, quel sacrilège ! Moisson, lui, s'en tenait religieusement au galoubet à trois trous, au galoubet des ancêtres, sans craindre personne néanmoins pour l'onctueux des liés, la vivacité des variations et des trilles. Ce m'est venu, disait-il d'un air modeste et vaguement inspiré, avec cet accent particulier qui rendrait comique la plus touchante des oraisons funèbres, ce m'est venu de nuit, une fois que j'étais assis sous un olivier en écoutant santé un rossignol. Et je me pensais, comment, Moisson, l'oiseau du bon Dieu sente comme ça, et ce qu'il fait avec un seul trou, toi, avec trois trous, tu ne le saurais pas faire. Un petit peu bête, la phrase, mais ce jour-là, elle me parut charmante. Un bon méridional ne jouit pleinement de son émotion que s'il la fait partager à d'autres. J'admirais Moisson, il fallait qu'on l'admirât. Me voilà donc lancé à travers Paris, promenant mon tambourinaire, le présentant comme un phénomène, recrutant des amis, organisant une soirée chez moi. Moisson joua, raconta ses luttes, dit encore « Ce m'est venu !» Décidément, il affectionnait cette phrase et mes amis firent semblant de s'en retourner, émerveillés. Ceci n'était que le premier pas. J'avais une pièce en répétition au théâtre de l'Ambigu, une pièce provençale. Je parlais de Moisson, de son tambourin, de son galoubet à Ostein, alors directeur, vous devinez avec quelle éloquence. 8 jours durant, je le chauffais. À la fin, il me dit « Si nous mettions votre tambourinaire dans la pièce, il nous manque un clou, ça pourrait peut-être servir à accrocher le succès. » Je suis sûr que le brave Moisson n'en dormit point. Le lendemain, nous montions tous trois en fiacre, lui, le tambourin et moi. Et à midi, pour le cas, comme s'expriment les bulletins des répétitions, nous débarquions au milieu d'un groupe de flâneurs, ameutés par l'étrangeté de l'engin, devant la petite porte honteuse et basse qui, dans les théâtres les plus luxueux, sert d'entrée peu triomphale aux auteurs, aux artistes et aux employés de la maison. « Bon Dieu, qu'il fait noir !» soupirait le Provençal, tandis que nous suivions le long couloir humide et venteux, comme le sont tous les couloirs des théâtres. « Bon Dieu, qu'il fait froid et qu'il fait noir !» Le tambourin semblait du même avis et se cognait à tous les coudes du couloir, à toutes les marches de l'escalier en tire-bouchon, avec des vibrations, des grondements formidables. Enfin, clopin clopant, nous arrivons sur la scène. On était en répétition. Horrible à voir, le théâtre, ainsi, dans le secret de sa basse toilette, sans l'agitation, sans la vie, sans le phare et l'illumination du soir. Des gens affairés, marchant d'un bruit mou et parlant bas, ombres tristes au bord du Styx ou mineurs au fond d'une mine. Une odeur de moisi et de gaz en fuite. Hommes et choses, gens qui vont et viennent, et des corps fantastiquement mêlés, tout couleur de cendre, à la lumière avare et rare de lampions et de becs de gaz, voilés comme des lampes d'évie. Et pour rendre l'ombre plus lourde, l'impression de souterrain plus exacte, de temps en temps, là-haut, au deuxième, troisième étage, dans la salle noire, une porte de loge qui s'ouvre, et comme l'orifice éloigné d'un puits, laisse tomber un peu de jour extérieur. Ce spectacle, nouveau pour lui, démonta un peu mon compatriote. Mais le gaillard se remit vite et se laissa placer courageusement, tout seul dans l'ombre, au fin fond de la scène, sur un tonneau qu'on lui avait préparé. Avec son tambourin, cela faisait 2 tonneaux l'un sur l'autre. Vainement, je protestais, vainement, je dis « En Provence, les tambourinailles jouent en marchant et votre tonneau n'est pas possible. » Ostein m'assura que mon tambourinaille était un ménétrier et que le ménétrier ne se concevait pas autrement que sur un tonneau au théâtre. « Va pour le tonneau !» Moisson, d'ailleurs, toujours plein de confiance, grimpait déjà et se piétant pour trouver le bon équilibre, me disait « Ça fait rien !» Nous le laissons donc la flûte au bec, la baguette en main, derrière une forêt vierge de décors, de portants, de poulies et de cordages, et nous nous installons, directeurs, auteurs et acteurs, sur le devant de la scène, le plus loin possible, pour juger de l'effet. « Ce m'est venu !» soupirait Moisson dans l'ombre. « Ce n'est venu de nuit, sous un olivier, une fois que j'écoutais santé le rossignol. »« C'est bon, joue-nous quelque chose. m'écriai-je, agacé déjà par sa phrase. Tu, tu, pan, pan. Chut, il commence. Nous allons juger de l'effet. Quel effet, grand Dieu, produisit sur le sceptique auditoire cette rustique musiquette, chevrotante et grêle comme un bruit d'insectes qui bourdonnait là-bas dans un coin. Je voyais les acteurs narquois, toujours réjouis par état de l'insuccès d'un camarade, plisser ironiquement leurs lèvres glabres. Le pompier, sous son bec de gaz, se tordait de rire. Le souffleur lui-même, tiré de son ordinaire somnolence par l'étrangeté de l'événement, se soulevait sur les deux mains, passait la tête hors de sa boîte et avait l'air d'une tortue gigantesque. Cependant, Moisson, ayant fini de jouer, reprenait sa phrase qu'apparemment il trouvait jolie. « Comment, Moisson, l'oiseau du bon Dieu sente comme ça, et ce qu'il fait avec un seul trou, toi, avec trois trous, tu ne le saurais pas faire ?»« Qu'est-ce qu'il nous chante, votre homme, avec son histoire de trou ?» disait Holstein. Alors, j'essayais d'expliquer le fin de la chose, l'importance des trois trous au lieu de cinq, l'originalité qu'il y avait à jouer tout seul des deux instruments. Le fait est qu'à deux, observa Marie-Laurent, ce serait plus commode. J'essayais, pour appuyer mon raisonnement, d'esquisser un pas de farandole sur les planches. Rien n'y fit, et je commençais à me rendre compte vaguement de la vérité cruelle, à savoir que pour faire partager aux autres ce que le tambourin et ses vieux airs naïfs évoquaient en moi d'impressions, de souvenirs poétiques, il aurait fallu que le musicien apportât en même temps dans Paris un bout de colline, un peu de ciel bleu, un peu de l'atmosphère provençale. « Allons, les enfants, enchaînons, enchaînons !» Et sans plus s'occuper du tambourinaire, la répétition continua. Moisson ne bougeait point et demeurait à son poste, certain du succès, croyant de bonne foi faire déjà partie de la pièce. Après le premier acte, un remords me prit de le laisser là-bas sur ce tonneau, où sa silhouette se détachait vaguement. « Allons, Moisson, descends vite !»« Est-ce qu'on va signer ?» Le malheureux croyait à un effet formidable et me montrait un papier timbré, un traité préparé d'avance, avec une prudence toute paysanne. « Non, pas aujourd'hui, on t'écrira. Mais prends garde, sapristi, ton tambourin se heurte partout et fait un vacarme. » J'avais honte du tambourin maintenant, je craignais que quelqu'un ne l'entendît, et quelle joie, quel soulagement, quand je l'eus remis en fiacre. Je n'osais pas revenir au théâtre de 8 jours. Quelques jours après, Moisson revint me voir. « Eh bien, ce traité !»« Ce traité !»« Ah oui, ce traité !» « Eh bien, Holstein hésite, il ne comprend pas. C'est un imbécile. » Au ton amer et dur dont le doux Moisson prononça ces mots, je me rendis compte de toute l'étendue de mon crime. Grisé par mon enthousiasme, mes éloges ont volé, détraqué, perdu, le tambourinaire et provençal se prenait sérieusement pour un grand homme et comptait. Ne le lui avais-je pas dit, hélas, que Paris lui réservait des triomphes. Allait donc arrêter un tambourinaire, roulant ainsi à grand fracas, à travers les rochers et fourrés d'épines, sur la pente de l'illusion. Je n'essayais point, c'eût été folie et peine perdue. Moisson, d'ailleurs, avait maintenant d'autres admirateurs et des plus illustres. Félicien David était au Théophile Gautier, à qui Mistral avait écrit en même temps qu'à moi. Âmes de poètes et de rêveurs facilement séduites, promptes à s'abstraire, l'auteur du Voyage en Orient et le musicien du Pays des Roses n'avaient pas eu de peine à faire, pour l'imagination, un paysage autour des mélodies rustiques du tambourin. L'un, tandis que rossignolait le galoubet, croyait revoir les grèves de sa Durance natale et les terrasses croulantes de ses coteaux de cadenas, l'autre laissait son rêve aller plus loin et trouvait dans le battement monotone et sourd du tambourin je ne sais quel ressouvenir plein de saveurs, des nuits à la corne d'or et des derboukas arabes. Tous deux s'étaient pris d'un vif et subit caprice pour le talent réel, quoique dépaysé, de Moisson. Ce furent pendant 15 jours des réclames insensées. Tous les journaux parlaient du tambourin, les illustrés publiaient son image, fièrement campée, l'œil vainqueur, le fifre léger entre les doigts, le tambourin en bandoulière. Moisson, ivre de gloire, achetait les journaux par douzaines et les envoyait dans son pays. De temps en temps, il venait me voir et me racontait ses triomphes. Un punch dans un atelier d'artiste, des soirées dans le monde, au faubourg Saint-Germain, il en avait plein la bouche de son faubourg Saint-Germain, où le gaillard rendait rêveuse des douairières coiffées à l'oiseau, en répétant effrontément sa fameuse phrase « Ce m'est venu de nuit, sous un olivier, en écoutant santé le rossignol. » En attendant, comme il s'agissait de ne pas se rouiller et de conserver, malgré les mille distractions de la vie d'artiste, le moelleux du doigté et la pureté de l'embouchure, notre Provençal ingénu imagina de répéter ses aubades et ses farandoles le soir, en plein Paris, au cinquième de l'hôtel Garni, qu'il occupait au quartier Bréda. Tu, tu, pam, pam! Tout le quartier s'émeut de ces grondements insolites. On s'ameute, on porte plainte, Moisson n'en continue que de plus belle, répandant à tour de bras, et l'harmonie et l'insomnie, et la concierge de Guerlas lui refuse un soir sa clé. Moisson, se drapant dans sa dignité d'artiste, plaidant en justice de paix, et gagna. La loi française, dure aux musiciens, et qui exile tout le long de l'an les corps de chasse dans les caves, ne leur permettant qu'au mardi gras, un jour sur 365, de faire résonner leurs fanfares de cuir à l'air libre, la loi française, paraît-il, n'avait pas prévu le tambourin. À partir de cette victoire, Moisson ne douta plus de rien. Un dimanche matin, je reçois une carte. Il devait, l'après-midi, se faire entendre à la salle du Châtelet dans un grand concert. Le devoir, l'amitié commandait. J'allais donc l'entendre, non sans me sentir comme attristé par quelques secrets pressentiments. Salle superbe, comble du parterre au cintre, décidément, nos réclames avaient porté. Tout à coup, la toile se lève, émotion générale, grand silence. Moi, je pousse un cri de stupeur. Au milieu de l'immense scène, faite pour que 600 figurants puissent y manœuvrer à l'aise, Moisson, avec son tambourin, un habit étriqué et des gants qui le faisaient ressembler à ces insectes à pattes jaunes que Granville, dans ses fantaisies, dessine, s'acharnant sur de fantastiques instruments, Moisson tout seul se présentait. Je le voyais, à la lorgnette, agiter ses longs bras, faire voltiger ses élytres. Il jouait, évidemment, le malheureux, tapait à tour de bras, soufflait de toutes ses forces. Mais dans la salle, aucun bruit perceptible n'arrivait. C'était trop loin, tout était mangé par la scène. Tel un grillon de boulanger chanterait sa sérénade au milieu du Champ de Mars. Et pas moyen de faire compter les trous à cette distance, pas moyen de dire « ce m'est venu », ni de parler de l'oiseau du bon Dieu. J'étais rouge de honte, je voyais autour de moi des gens ahuris, j'entendais murmurer « qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie ?» Les portes des loges claquaient, la salle se vidait peu à peu. Cependant, comme c'était un public poli, on ne siffla point et on laissa le tambourinaire achever son air dans la solitude. Je l'attendais à la sortie pour le consoler. Ah bien wish ! Il croyait avoir obtenu un succès énorme, il était plus radieux que jamais. Zatan colonne pour signer, fit-il en me montrant un gros papier maculé de timbres. Cette fois, par exemple, je n'y pus tenir, je pris à deux mains mon courage et lui dis brutalement, tout d'une haleine, ce que je pensais. Moisson, nous nous sommes tous trompés en voulant faire comprendre à Paris la grâce de ton gros tambour et la mélodie de ton fifre. Je me suis trompé, Gauthier, David se sont trompés et par ricochet, tu te trompes. Non, tu n'es pas un rossignol. Ce m'est venu, interrompit Moisson. Oui, ça t'est venu, je le sais, mais tu n'es pas un rossignol. Le rossignol, lui, chante partout. Ses chansons sont de tous les pays, et dans tous les pays, ses chansons se font comprendre. Toi, tu n'es qu'une pauvre cigale dont le refrain monotone et sec va bien aux pâles oliviers, aux pins pleurant la résine en larmes d'or, aux vifs azur, au grand soleil, aux coteaux pierreux de Provence, mais une cigale ridicule, lamentable, sous ce ciel gris, dans le vent et la pluie, avec ses longues ailes mouillées. Retourne donc là-bas, rapporte là-bas ton tambourin, joue des aubades, des sérénades, fais danser les belles filles en farandole, conduis en marche triomphale les vainqueurs au jeu des taureaux. Là-bas, tu es un poète, un artiste. Ici, tu serais un saltimbanque incompris. » Il ne répondit rien, mais dans son regard visionnaire, dans son œil de doute têtu, je pus lire « Toi, tu es un jaloux !» À quelques jours de là, mon moisson, fier comme Artaban, vint m'annoncer que Colonne, encore un imbécile comme Obstein, n'avait pas voulu signer, mais qu'il se présentait une autre affaire, merveilleuse celle-là. Un engagement dans un café-concert à 120 francs par soirée, signé d'avance. En effet, il avait le papier. Ah, le bon papier! J'ai appris la vérité depuis. Je ne sais quel directeur en déroute, entraîné, aveuglé, dans le courant bourbeux de la faillite, avait imaginé de s'accrocher à cette cassante branche de saule qui s'appelait les musiquettes de moisson. Sûr de ne pas payer, il signa tout ce qu'on voulut. Mais le Provençal ne prévoyait pas d'aussi loin. Il avait un papier timbré, et ce papier timbré suffisait à sa joie. De plus, comme c'était un café-concert, il avait fallu un costume. « Ils m'ont mis un troubadour de l'ancien temps », me disait Moisson avec un gracieux sourire. « Mais comme je suis très bien fait, ça ne me va pas mal, vous verrez. » Je vis en effet, dans un de ces cafés chantants des alentours de la porte Saint-Denis, si fort en vogue aux dernières années de l'Empire, avec le clinquant de son ornementation baroque, moitié chinoise, moitié persane, dont les peinturlures et les ors étaient rendus plus cruels à l'œil par l'exagération des becs de gaz et des girandoles, ces loges d'avant-scène grillées et fermées où venaient se cacher certains soirs pour applaudir les tours de rein et les coups de gueule de quelque excentrique diva, des duchesses et des ambassadrices, sa mère de tête et de boc nivelée comme les flots en temps de brouillard par la fumée des pipes et la vapeur des haleines, ces garçons qui courent, ces consommateurs qui crient, son chef d'orchestre, cravaté de blanc, impassible et digne, soulevant ou calmant d'un geste à la Neptune la tempête de 50 cuivres, entre une romance d'un sentimentalisme bête, bêlée par une assez jolie fille aux yeux de mouton, et une églogue au poivre de Cayenne, cyniquement hurlée par une sorte de Teresa au bras rouge, sur la scène où bâillaient, assises en rond, attendant leur tour de chanter, une demi-douzaine de dames en blanc, décolletées et minaudières, apparut soudain un personnage que de ma vie je n'oublierai. C'était Moisson, le galoubé au doigt, le tambourin sur le genou gauche, en costume de troubadour, ainsi qu'il me l'avait promis. Mais quel troubadour ! Mi-parti, figurez-vous ça, un juste au corps vert pomme et bleu, une cuisse rouge, l'autre jaune, le tout collant à faire frémir, toque à créneaux, souliers relevés à la poulaine, et avec cela, des moustaches, ces belles moustaches trop longues et trop noires, retombant sur le menton comme une cascade de cirage, auxquelles il n'avait pu se décider à renoncer. Séduit vraisemblablement par le goût exquis de ce costume, le public accueillit le musicien d'un long murmure approbateur, et mon troubadour souriait d'aise, était heureux, voyant devant lui cet auditoire sympathique et sentant dans son dos le regard de flamme des belles dames assises en rond, qu'il admirait. Par exemple, ce fut autre chose quand la musique commença. Les tutus, les pampans, ne pouvaient séduire ses oreilles blasées comme un gosier lait par l'alcool et brûlé au vitriol du répertoire de l'endroit. Et puis, on n'était pas comme au Châtelet, en compagnie distinguée et discrète. « Assez ! Assez ! Qu'on l'enlève ! As-tu fini de faire le lapin savant ?» Vainement, Moisson essaya d'ouvrir la bouche et de dire « Ce m'est venu !» Les banquettes se soulevèrent, il fallut baisser le rideau et le troubadour vert, bleu, rouge et jaune disparut dans la tempête des sifflets comme un pauvre ara déplumé et tourbillonnant qu'emporte un coup de vent sous les tropiques. Moisson, le croiriez-vous, s'entêta. Une illusion pousse vite et est longue à déraciner dans une cervelle provençale. 15 soirs de suite, il revint, toujours sifflé, jamais payé, jusqu'au moment où, sur les portes travaillées à jour du concert, un clerc d'huissier vint afficher la déclaration de faillite. Alors commença la dégringolade. de boui-boui en boui-boui, de beuglant en beuglant, toujours croyant à des triomphes, toujours poursuivant sa chimère d'engagement sur papier timbré, Moisson roula jusqu'aux guinguettes de banlieue où l'on joue au cachet, accompagné d'un piano édenté pour tout orchestre, à la plus grande joie d'un public de canotiers éreintés et gris, et de calicots en villégiature du dimanche. Un soir, l'hiver finissait à peine et le printemps n'était pas venu, je traversai les Champs-Élysées. Un concert en plein vent, plus pressé que les autres, avait suspendu ses lanternes dans les arbres encore sans feuilles. Il bruinait un peu, c'était triste. J'entendis un « tu-tu, pan-pan ». Encore Moisson. Je l'aperçus à travers la claire-voie, tambourinant un air de Provence, devant une demi-douzaine d'auditeurs venus sans doute avec des billets de faveur et s'abritant sous des parapluies. Je n'osais pas entrer. C'était ma faute, après tout, cela. C'était la faute de mon imprudent enthousiasme. Pauvre Moisson, pauvre cigale mouillée. Fin de la section 60.